crush. Comment tu stops, comment tu rock. C'est nos copains qui seraient contents de voir ça, ouais. Est-ce qu'on avait trop bu ou alors passé? Nanana mon gars, c'est pas une fille, c'est une toupie, oh baby. Comment tu rock et m'assures. Comment tu rock, comment tu stops. C'est nos copains qui seraient contents de voir ça, ouais. C'est nos copains qui seraient contents de voir ça. Ah ouais, ben. Comment tu vois, comment tu vois, ma chose. Comment tu vois, comment tu vois, ma chose. Oh baby, comment tu rock et ma chose. Tu vois, c'est nos copains qui seraient contents de voir ça. Comment tu vois, comment tu vois, ma chose. Comment tu vois, comment tu vois, ma chose. Oh baby, comment tu vois, tu ma chose. Tu stars, c'est nos copains qui seraient contents de voir ça à moi. Lors d'un pas trop sûr, je m'accroche à son bras. J'ai les cafés en les rires, je dois qu'il rit de moi. Oh baby, comment tu vois qu'il m'assure. Comment tu stars. Comment tu vois, c'est nos copains qui seraient contents de voir ça. Chérie, tu sais, tu danses bien. Et moi aussi. Tu veux rocker, tu veux rouler. Danse avec moi et tu verras comment tu vois. Et ma chose. Comment tu vois, comment tu vois. Ma chose, comment tu vois, comment tu vois. C'est nos copains, c'est content de voir ça. Tout va très bien.